Parce que comme nous autres, on est psychologique, fait qu'on essaie d'accomplir des choses, puis on a des buts. Mais dans le fond, le but, puis le vrai accomplissement, c'est le mouvement, puis c'est le parcours. C'est comme si tous les chemins mènent à Rome, mais c'est pas Rome qui est important, c'est le chemin.